Oui, mais ça veut pas me dire. Moi, ça vient pas me chercher. Non, on va aller vous chercher. Vous vous restez à quel endroit, madame? Je veux pas vous voir la binette. Pas parce que vous me faites peur, mais c'est parce que je veux être anonyme, là. OK, alors vous participez à mon émission et vous voulez être anonyme. Est-ce que c'est possible? Ma chère dame, à Errance Renadienne et surtout à CKRL, tout est possible. Ah, mon Dieu, vous me rafraîchissez l'esprit. Bon, tant mieux. On peut pas venir vous chercher. Ah, non, je me déplace jamais, surtout à cette heure-ci, hein. Il y a des cinglés un peu partout. Ouais, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des heures précises? Oui. À l'heure où le bon monde dorme, les autres restent éveillés. Alors, les somnambules, pas les somnambules, mais les insomniaques comme moi, là... Ah, vous êtes de mauvaises personnes. Comment ça? Vous dormez pas? Ben oui, mais si on dort pas, c'est parce qu'on essaie de favoriser le sommeil. On a tellement de trucs, ça commence par l'eau chaude. Une tasse d'eau chaude. Plus elle est chaude, moins j'arrive à dormir. Ben oui, je me brûle tout le palais. Puis là, ça fait des petites bulles. Puis là, je suis couché, mais là, je passe ma langue sur les petites bulles. Puis ça, je me dis à chaque fois, aïe donc, ça fait mal. Aïe donc, ça fait mal. Aïe donc, ça fait mal. Aïe donc. Mais je peux pas m'endormir avec ça. Sinon, si j'arrive à fermer l'œil, ça risque d'être un cauchemar. Me voir dans un miroir! Ça, c'est même. J'en veux plus de miroir. À mon anniversaire, l'année dernière, on m'a offert. Et je vais pas faire de la rimette comme Clémence, parce que je suis très loin de Clémence Desrochers. Je ne suis que. Oui, vous avez raison, madame. Un anonyme, ça, c'est la madame, mais moi, oui. Élémentaire, mon cher Bitine, pardon. Lui aussi élémentaire. Mais, c'est parce que là, j'essaye de me remémorer une chanson de Bachung qui dit ce que je veux dire, mais comme je m'en rappelle plus, je peux pas vous le dire. C'est assez simple, ça, hein? Ah, je suis un amateur. Un amateur, j'ose pas laisser les professionnels franchir mon univers puisqu'ils vont vraiment tirer l'épingle du jeu ou la couverte ou l'oreiller. Et je vais me retrouver, moi qui déjà, comme je vous le disais, somnolent, qui n'avait pas d'oreiller, peut-être j'arriverai à dormir davantage un peu mieux. Mais c'est aussi du bon monde, ma chère dame, qui vivent la nuit. Oh, pas certaine. Comment ça, pas certaine? Oh, non. Non, le bon monde, là, ça dort la nuit, ça se réveille le matin, ça prend un petit déj. Pas un gros, un petit déj. Si, par exemple, vous prenez un gros déjeuner, vous n'êtes pas une bonne personne. C'est un petit déjeuner. Et puis, le petit déjeuner débute toujours par le petit jus d'orange. Mais ça, là, si vous mettez de la pulpe ou pas de pulpe, c'est pas ce qui va vous faire une mauvaise personne. Non. Puis si vous rajoutez du pamplemousse dans votre jus d'orange, ça fera pas de vous une mauvaise personne non plus. Si vous déjeunez, vous commencez avec le jus à la base d'orange, vous pouvez mettre autre chose par la suite, mais pas d'alcool. Sinon, vous êtes une mauvaise personne, pas d'alcool. Et puis, après ça, ben, le dîner, si vous amenez votre lunch au travail, vous êtes une bonne personne. Si vous mangez sur place, dans une petite casse-croûte, là, une petite cantine, vous êtes une mauvaise personne. Parce qu'une bonne personne, le soir, avant de se coucher, après le repas, prépare son lunch pour le lendemain matin. Ça, c'est une bonne personne. Et ensuite, il l'amène, il a un petit sac, pas un sac en papier brun, c'est une mauvaise, ça, là. Il a toujours le même sac, ouais, il a toujours le même sac. Dans lequel elle met, bon, peut-être une bortante, un petit fromage ficelé, un petit fromage. Pas un gros, c'est mauvaise personne, mais c'est un petit fromage. Et puis, vous voyez, souvent des thermos, hein, à base, j'aime bien des repas chauds. Ben, je suis à la retraite, mais je fais comme si je travaillais. Parce que je me considère comme une bonne personne. C'est qui? Mais c'est moi, là. C'est la visibilité que j'ai de moi-même, là. Vous allez me dire, ouais, mais c'est facile de juger, hein. On n'en met pas trop. On n'est pas trop exigeant. Non, non, je suis très exigeant. Exigeant, peut-être pas dans la prononciation, vous l'avez remarqué. Mais dans la vie en général, comme je vous dis, je commence toujours avec un petit jus d'orange, et puis je prépare mon petit lunch, même si je ne travaille plus. Et une bonne personne, ça peut terminer sa journée avec une petite tisane, un petit thé aussi, mais un thé mais non caféiné, parce que ça favorise pas le sommeil. Puis si vous faites du yoga, vous savez, le yoga, c'est les pattes croisées, puis... Là, vous changez pas de vitesse, là, c'est toujours la même. Et là, vous allez chercher votre chakra. Le chakra est à l'intérieur de chacun des bonnes personnes. Les mauvaises n'en ont pas de chakra. Le chakra est situé juste en dessous du plexus. Et puis, bon, si vous ne savez pas où traiter votre plexus, votre poitrine, mademoiselle, vous levez votre petite poitrine et vous allez voir juste en plein milieu, plus bas que votre arrêt, là, le ouais, c'est ça le chakra. Vous allez sentir comme un petit trou. Si vous pressez trop fort, vous risquez de mourir. Parce que nous, on fait aussi du karaté, hein? Et puis le karaté, il y a une position, là, c'est vous mettez le pouce index, le majeur, vous savez qu'il est plus long que les autres, le majeur va toucher le plexus solaire, c'est très rapide, là. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas habitué. Si vous n'êtes pas bon, ben là, vous ne pourrez pas. Mais juste avec le bout du pouce index du majeur, ce plexus, fini. Personne est morte. La personne est morte. Elle est morte. Là, elle ne revient plus. Même si vous vissez le chakra, même si vous soufflez dans le chakra, même si vous essayez de pomper le chakra a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a touché. C'est un peu comme la boule. Descendu d'une légende corsaire, venant d'un dock d'où rien ne part, craché par un navire de guerre, dessiné par l'éclat du phare, déesse sculptée au vent contraire, je l'ai suivi en clandestin, son corps appelé au temporaire, l'éternité jusqu'à demain. J'ai pris sa main sans trop y croire, la pluie, le vent, tout était là. Dessin de brume fait de mémoire, un courant d'aile entre mes doigts. Je la voulais en équipage, perdre le cap quand la mer mord. Deux ou trois jours d'un long voyage, touchait vraiment, sombrer encore. Moitié de cuir, moitié brouillard, j'ai vu cette fille au bout d'un soir. J'ai vu cette fille chercher son âme, voguer amère à fond de l'âme. Moitié marquise, moitié polar, j'ai vu cette fille hantée en boue. Silhouette maltaise tracée de noir, offrir la vie de ses faux goûts. J'ai caressé ses idées noires, ma passagère intemporelle. Les laisser là où rien ne part, j'ai lu en bourre à travers elle. Elle a visité au hasard, baladé en hésitation, tous les chagrins et territoires, depuis en bourre à ma chanson. Moitié de cuir, moitié brouillard, j'ai vu cette fille Au bout d'un soir, j'ai vu cette fille chercher son âme, voguer amère à fond de l'âme, moitié marquise, moitié bola. J'ai vu cette fille hantée en boue, silhouette maltaise tracée de noir, offrir la vie de ses faux goûts. Je t'ai écrit une drôle d'histoire, une presque étrange, une illusion. Moitié marquise, moitié polar, douce comme Hambourg à sa façon. J'ai vu cette fille au bout d'un soir, j'ai vu cette fille chercher son âme, voguer amère à fond de l'âme, moitié marquise, moitié pola. J'ai vu cette fille hantée en boue, silhouette maltaise tracée de noir, offrir la vie de ses faux goûts. Ça se nuance, ça se découpe, c'est tout ou rien. Et puis d'un coup, on se ravise, on se l'avoue. C'est noir ou blanc, et puis d'un coup, ça vire au gris, y a des remous. C'est toi et moi, et puis d'un coup, l'amour s'en va, il fait l'amour. Pourtant je croyais, pourtant j'étais sûre que l'on pouvait vivre sans faire de ratures, sans faire de ratures. C'est tout ou rien, et puis d'un coup, ça s'évapore, ça se dissout. C'est pile ou face, et puis d'un coup, la vie est sans dessus dessous. C'est toi et moi, et puis d'un coup, l'amour s'enflamme, il fait la roue. Pourtant je croyais, pourtant j'étais sûre que l'on pouvait vivre sans faire de ratures. Pourtant je croyais, pourtant j'étais sûre que l'on pouvait vivre sans faire de ratures. Pourtant je croyais. Thank you. l'amour s'enflamme, il fait la la boule terrestre. Vous savez, il y a deux pôles, là. C'est le pôle principal de l'existence, c'est le chakra. Ça fait peur. Mais nous, les bonnes personnes, on fait pas peur. Ah non, on fait comprendre des choses, hein, des vérités, et puis les gens nous écoutent ou ne nous écoutent pas. On nous passe souvent pour des imbéciles. Ils sont pas loin de l'imbécilité. Mais nous, on est des bonnes personnes, on juge pas. Oh non, on peut bien nous dire qu'on n'est pas correct, hein, qu'on n'est pas dans le bon chemin. Nous, hein, c'est bien beau de défricher, mais après ça, on garde ça propre. On garde ça très propre. C'est un chemin que vous pouvez emprunter n'importe quand, n'importe comment. Hiver comme été, c'est toujours dégagé. Et puis, même si vous trouvez des troubles fêtes, là, eux autres ne restent jamais là-dedans parce qu'ils ne font pas partie, comme j'ai dit, depuis, ils zigzaguent à travers puis ils repartent immédiatement parce que c'est pas du bon monde. Mais eux peuvent absolument rien briser parce qu'ils ne restent pas longtemps puis on peut aussi les pulvériser. Avec toujours le chakra. On peut pulvériser, mais ça, je vous conseille pas. Si vous manipulez pas très bien votre... Non, ça peut être nuisible. Puis vous pouvez également vous auto-retirer. Vous auto-expulser. Vous auto-détruire. L'auto-destruction a toujours sa place en 2019 et de plus en plus, et tant mieux. Mais les mauvaises personnes s'autodétruisent, hein, ils se rendent pas qu'ils s'autodétruisent, hein. Ça dort pas, ça mange pas, ça boit, ça fume, puis ça passe des soirées à pas dormir, ça va danser, ça prend des petites médications bleues, puis ging, ging, ging, ging, ging, ging, ging, ça coûte du pecno, du necnose, c'est en tout cas du stecnose. De la musique, pouf, pouf, pouf, puis ça rend complètement fou. Les boulons sautent tranquillement, ça dévisse avant de sauter. Voilà, moi je sais, j'ai vu mon beau-frère, monsieur. Et lui, il s'était lancé dans la radio. Il faisait une petite radio dans son immeuble. Mais un immeuble de 120 logements, puis il y avait une radio à l'intérieur de... Ben, c'est pas tout le monde qui pouvait écouter ça, c'est les locataires. Et puis, ils faisaient des spectacles, faisaient tirer des choses, avaient des quiz. Les gens aimaient bien ça. C'était des gens tout seuls, du bon monde, là, du bon monde. Ah oui, qui payaient leur impôt une fois par année, qui allaient à l'église à tous les dimanches, qui prenaient soin des enfants des autres, même si c'était pas les leurs. Aimaient l'autre. Puis, quand ils voyaient qu'un ami âgé, hein, un ami âgé n'avait pas de nourriture ou était seul, allait avec lui frapper à la porte avant avec deux plats, allait manger avec la personne. La personne était heureuse, celle qui était toute seule était heureuse. Puis bon, il jouait aux cartes après, puis des fois même à des jeux de société. Ils n'écoutaient jamais la télévision parce qu'ils savent très bien que la télévision, c'est uniquement pour faire vivre la publicité. Eux autres ont compris ça. C'est pas des imbéciles quand même, là. Ils sont rivés sur eux, hein. Et ben, surtout sur la société. C'est pour ça qu'ils peuvent les analyser puis qu'on peut dire que le monde est tout croche. Puis ils s'en vont à leur perte. Je dis « i » parce que « i », c'est pas moi ça. « i », ils vont tomber, « i », ils vont s'anéantir, « i », ils vont mourir, moi aussi, mais ça, c'est une autre histoire. « i », mais moi, je vais mourir, mais dans le côté plus agréable, moins rongé. Vous savez, il y en a qui trépassent, ils sont comme en plein spasme. Mais nous, on est déjà prêts parce qu'on fait du yoga, puis on connaît notre plexus, puis hein, nos organes sont nos amis. Eh bien oui, nos organes sont nos amis. On les connaît par leur prénom, leur nom. On a même, pour certains, là, comme ben moi, je fais partie quand même des spécimens assez rares. Très rares, madame. Très heureusement. Non, mais c'est à guichet fermé. Pas à guichet fermé, mais on n'en fait plus comme ça. Et heureusement pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais ça m'aide pas pour ma mémoire. Ah, ben beau faire du redressement assis, mais quand t'es debout, là, oh! Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Ben, oh oui, c'est ça. Pendant peut-être que ça va me revenir, ça peut arriver. Ça me surprendrait grandement parce que la bulle a l'air à vouloir rester. Mais moi, j'ai un grand respect pour mes bulles, hein. Puis, je me dis souvent, la vie, oui, il faut la vivre à plein gaz. À plein gaz. Gaz. Mais pas, hein, Monsieur Leloup, ah bon, ça doit prendre de la drogue, ce gars-là. Monsieur, non, moi, je juge personne. Monsieur Leloup, mais c'est pas des gaz intestinaux. C'est des bons gaz. C'est pas non plus des gaz qui peuvent faire mourir le pauvre citoyen. Non. Non, c'est des gaz internes. Hein, qui peuvent être extirpés, mais ça fait pas partie des vents du trou de pète. Là. Mais plein gaz, c'est la vision de nous les... marginal. Hier soir, donc vendredi, comment dire, la chère amie, sur l'autoroute d'une ovni qui apparaît dans la nuit. Tout à coup, sans crier gare, vers moi il fonce et il démarre. Il me chasse, puis me dépasse. Brusquement, je mets Ringas. Ringas. Ringas. Ringas. On prend les tournants serrés, côte à côte à se tuer. Il aussi pour me bloquer quand j'arrive pour le doubler. Tout à coup, route condamnée, cul de sac, un grand fossé. L'adversaire me puisse au bord, un cheveu de la mort. Plein gaz. Plein gaz. Plein gaz. Plein gaz. Mais l'histoire n'est pas finie. Mon cher confrère, je le dis, le coupable doit être puni dans le feu et l'incendie. Il est devant moi, derrière, je vois ses phares allumés. Trop de fumée, de poussière, dans son sillage bleuté. Je reprends mes sens, courage, l'ovni est mal ajusté. Trop de fumée qui se dégage, je pousse sa fond au plancher. Ah mon cher, le démarrage, l'hécatombe, le ramonage. Je les dépasse en marrage, un confrère c'est un carnage. Carnage. Très estimé, il s'est mis à déraper, à valser incontrôlé, badaboum sur la chaussée. Promis de plantes dans les roses, je lui crie mort pour la cause. Un confrère l'appelle chose, sur la route il explose. Plein gaz. Plein gaz. Oh,

dessin. Là où le cœur résiste, sans pudeur entre terrain. Tu baisais en majuscule, trait d'union jusqu'à demain. Un très long temps qui brûle, ce souvenir jusque très loin. J'étais bien entre tes lignes, je n'entendais rien. J'étais bien entre tes lignes, j'aimais, tu m'écrivais bien. N'efface rien. À travers ces pleins de ces gaz-là, on y retrouve dans des soirées un peu étranges, bizarroïdes, pour ne pas dire underground. Êtes-vous underground, vous, madame? Oui? Hey, elle, là, elle lave son linge à l'eau chaude. C'est-tu assez une underground, ça? C'est pas bon pour le climatique, ça. Le climatique aime pas ça, l'eau chaude. Prenez votre bain à l'eau froide, ça va vous enlever toutes vos arrière-pensées, vous, là. Hey, elle fouille dans ma boîte aux lettres, là. Cette fille-là! Hey, avez-vous entendu la censure? Ça a été coupé à sa... ouais, au montage, ça a été... Ils ont scié ça! C'est bien beau de scier des émissions, mais il reste plus rien après! Alors allez donc scier ailleurs, s'il vous plaît! En plus, nous, on scie pas au bras, nous! Nous, on scie électrique! Comme ça, on s'arrête pas, ça continue. Bouh! La seule chose qui peut arrêter une scie électrique, c'est le manque de courant. C'est si mon instrument est retiré d'une source électrique, ou si j'ai un problème moteur après ma scie. Et si j'ai un problème moteur, ça peut être deux moteurs. Restez tranquilles, les minous, moi j'ai la tronçonneuse batteuse. Ça coûtera pas cher pour vous mettre, pour faire trancher votre poêle. Moi je coupe pas, je tranche le poêle. Ouais. Et puis, moi, en plus je vais te faire ça gratos, moi ça coûtera pas une maudite scène, ça fait tellement plaisir de... Ouais. Et puis, ouais, il y a deux façons, ouais, le moteur. Deux façons de moteur, de perdre le moteur. Premier moteur, le what's mother, the short. Pardon? Non, là, je parle dans toutes les langues, on peut être capté, nous autres, là, on est sur des radios terriennes. Si quelqu'un est perdu, là, arrive de l'aéroport de Québec, Jean le Passissage, qui arrive dans Jean le Passissage, atterri, il est heureux d'avoir atterri, il applaudit encore, t'sais, ça fait déjà 2 heures qu'il est arrivé à Québec. Mais là, il est content, je suis pas mort, no dead, ah, c'est un anglais, c'est vrai, no dead, I'm alive, et là, il sait pas qu'il est à Québec, lui, là. Ben, il sait, mais sans trop s'attendre à des interrogations. Avant de voyager, mon petit champion, que tu sois bureaucrate avec ta petite sacoche, là, pis t'as là, là ouais, c'est du cuir, ça. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est du cuir égyptien. Dressé par des déesses. Ben, nous, on en fait aussi, c'est dressé par des déesses. Non, ça fait partie de leur travail. Ils doivent trouver leur raison de vivre dans notre société contemporaine. Ils doivent faire partie du rouage économique, donc on les place dans plusieurs endroits, bien sûr, évidemment pour un emploi. Pour un emploi. Un emploi. Un emploi, on dirait que je vais m'envoler. Un emploi. Et non, je viens de pondre un œuf. Mais voyons donc, un emploi. Un emploi. Hein, il y a un deuxième qui arrive. Un emploi. Mais facile de faire un emploi. Là, ça demandait, est-ce que c'est en chocolat? C'est brun! Y a-tu un jeu à l'intérieur? Ça vient-tu d'Allemagne? Je tiens, mais c'est bien beau d'ouvrir ça, mais c'est dans le camp. C'est. Y est-tu terminé? C'est. Ouais, c'est pas consistant. C'est pas un œuf qui. En tout cas, peu importe. Et puis donc, qu'est-ce qu'il disait donc? Ah oui, il y a deux moteurs. J'ai pas lâché le moteur. Ouais, je sais, je suis un verbomoteur. C'est pour ça que ça fait des émissions des verbomoteurs. Tu verrais jamais un verbomoteur, là, comme la dame disait tantôt, là, en train de. Si oui, il y a des hamsters dans son cerveau qui roulent à 200 000 à l'heure, hein? Et pendant ça, là, il essaie de contrôler ses hamsters et dit relaxer. Relaxer, là, j'ai une carotte à leur donner. T'sais, dans ta tête, c'est dur de rentrer une carotte dans ta tête. Pour ce faire, quelques heures avant, t'en as mangé des carottes, croyant que une fois que c'est égurgité, tu peux les transférer dans ton cerveau. Ça marche pas de même. Ça a l'air tellement facile, hein, vu de même, là. Dire, hey, je vais nourrir mon cerveau, moi, là. On dit qu'une neurone heureuse, c'est une neurone qui se développe et qui peut avoir sa pleine capacité. Donc, si je peux devenir un ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch- mord pas, puis il m'a envoyé ça dans mon cortex cérébral. Mais là, comment faire? C'est bien beau l'avoir mangé, je sais comment le manger, là. Par la bouche, tu sais, ça tombe dans l'œsophage, tu sais, ça rencontre l'œsophage. Mais là, pendant que tu manges, là, puis que ça rencontre l'œsophage, ça discute entre eux autres, là. En disant, hey, on a mis du poivre là-dessus, là. Oh, elle sale d'ail sur du steak. Je sais pas que ça se fait pas vraiment, mais c'est un avant-gardiste, hein. Fait que faites attention, il y a une petite sauce brune qui va suivre, là. Piquante, là. Je sais pas, il a mis des gros grains de poivre. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui. Lui, là, le lundi, c'est pas sa journée. Il devait rester couché jusqu'au mardi. Il me fait pas. Puis les patates, hey, vous allez goûter des petites patates. Moi, je l'ai vu avant, mais. Ah oui, je les ai sentis aussi. Mais les petites patates, il a pas mis de beurre, il n'y a rien. C'est dense, là. Mais ça danse pas du tout, c'est dense, là. Ça bouge, on dirait du plâtre, là. C'est pas crémeux, c'est pas... Ah non, c'est pas... C'est constricté, là! C'est comme prendre des patates, les piler, mais rien mettre dessus, là. C'est épouvantable, ça granule, ça, c'est dégueulasse. Mais la sauce, là, c'est ça que ça... Ça crée un peu la boîte. En créant la boîte, ben, ça passe un peu mieux. Puis s'il mange un steak, ben, il coupe mal son steak. En plus, j'étais déjà averti. J'ai dit, ben, pas si aussi gros que ça, ça passera plus dans le gorgoton. Ben, beau Howard, parce que lui, il boit ça, il mange ça avec un vigné. Un gros vigné, là. Un gros vigné. Un gros, là. Celui que tu respectes, là. Tu dis, bonjour, monsieur, tu serres la main, mais ça, c'est comme six mains, hein. Six mains à la fois, tu dis, hey, mon Dieu, moi, avec de quoi j'ai l'air? C'est moi qui étais anormal à côté d'un géant de même. Et puis, qu'est-ce que la normalité? C'est ce que la majorité des gens font. Bon, tout le monde le sait. Alors, faut faire attention. Tu sais, manger, on le sait, mais envoyer ça en haut dans le cortex, là, c'est plus difficile. On peut vous l'enseigner. Oh non, nous autres, on n'est pas avare de nos connaissances. Il y a juste une petite bémol. Ben, pas mal molle. Une bémol molle de même, là, c'est comme un cornet au mois de juillet. Tu sais, une crème glacée, tu dis... Bonjour, madame. Bonjour. Non, ça fait 15 minutes que j'attends au soleil pour ma petite crème glacée. Je vais encore attendre 15 minutes. Bon, OK. Pardon. Oui, parce qu'il y a personne, là. Je suis tout seul. Ah, c'est la crème glacée qui n'est pas encore saisie. Bon, voulez-vous que je vous saisisse? Si je vous saisis, ça risque de saisir la crème glacée. Ça n'a rien à voir. La violence, ça n'a rien à voir. La police va arriver. Bon, okay. J'ai déjà un cas. Oh, mon Dieu. Ah, c'est ça. Ben, ça. Oui. Vous avez un problème de crème. Mais pourquoi vous n'avez pas mis une petite mention, là? De retour dans quelques minutes. Ouais, c'est vrai, quand vous voyez vous promener de même, mais c'est pas vous qui créez la chaleur puis qui vous évitez comme ça la crème glacée de se saisir. The moon on one cheek and the sun on the other. If you ever saw her, you'd love her. Although see her face card, although see her thank God. And if you know her, fear God, I used to know her too. And if you stay here, I the mountain will echo, and the valley will speak for me. Just listen. Loss and love, loss and la la, the wind sings for you, and her name's tattooed onto every tree. No, not probably, but maybe. I'm not alone. Every shepherd moans, cursing the serpent that touches the cheek of my sinner. I'm so thirsty for mercy, love. Please bend to me. My heart, baby blue eyes has gone away. So silent on a summer day, baby blue eyes, your name of love is written with mine on the pole. Baby blue eyes far in the sky, lights up and juggles with the stars. Baby blue eyes, with the clock's tick, can turn my poison into milk. Comme une tomate! Allez-vous nous claquer des mains? Moi, j'ai rien contre que vous claquiez, hein, que vous partiez. Hein. Il y a déjà trop de monde sur la planète. Mais ce qui serait bien, pourriez-vous me préparer un petit cornet avant? Non, c'est pas un gros, juste un petit... Mais c'est bien beau, ouais, c'est liquide. Ah, bon... Ouais, vous êtes fort depuis 4 heures, c'est encore liquide, cette affaire? Ouais, ben, j'avais un problème de moteur. OK, moteur. Y a-t-il un autre endroit où je peux acheter de la crème? Je vais me la fermer, ouais. Combien de temps ça peut... Vous êtes pas sympathique, hein? Je croyais vous donner un petit peu plus d'argent après, dépendant de ce que vous mettez comme amour pour préparer mon cornet, mais je crois que d'un, il n'y aura pas d'amour, puis de deux, il n'y aura pas de cornet. Mais il fait chaud. Je vais peut-être mourir. Moi, c'est plus important que vous, moi. Vous, vous n'êtes pas important dans sa planète. Moi, je suis important, là. Qu'est-ce que vous avez fait pour aider la société? À part d'essayer, vous n'avez même pas essayé en plus. Et croyez-vous que votre machine, là, ouais, c'est une machine des États-Unis, ça, là, qui a été bien sûr faite à Hong Kong, mais tous les messages sont en anglais. L'anglais, connaissez-vous ça, l'anglais? Avez-vous une formation là, sur votre machine à crème à glace? Eh, bon, doux Seigneur. Ça, c'est un emploi d'étudiant. Ben ouais, mais tu vas étudier longtemps si t'es pas capable de faire partir la machine. Il y a un on-off, ça veut dire fermé, ouvert. Il y a même pas ouvert. C'est pas ouvert. Comment ça, ils te l'ont pas montré? Hey! Hey, le jeune, écoute bien, moi. Écoute-moi, hey, là, je te respecte énormément, là. Ah, ça, vous êtes une jeune. Ouais, un jeune ou une jeune, en tout cas, ma jeune fille. J'ai raison, vous êtes une jeune fille? Bon. Vous étudiez hein? En sciences humaines. Sans mathématiques. Orientation chômage. Bon. Non, il y a de la. Non, il y a de la poids pour tout le monde. C'est ça, vous travaillerez. Voyons donc. Conjugaison, ouais. Je sais que vous travaillerez. Vous avez. Vous n'aurez pas d'emploi dans votre discipline. Parce que vous n'êtes pas discipliné d'un, hein, mais juste en mathématiques, pas d'ouverture. Mais vous allez travailler dans une autre sphère, peut-être dans une épicerie, vous serez caissière, vous pourriez même préparer des crèmes glacées. Mais là, il faut savoir comment ça fonctionne. Moi, je le sais, votre machine est fermée. Faudrait l'ouvrir, peut-être. On ne vous l'a pas enseigné. Je sais qu'on ne vous l'a pas. Vous me le dites depuis le début, on ne vous l'a pas enseigné. J'essaie de vous montrer le droit chemin, moi. Ben, le droit, il n'y a pas de droit, mais en tout cas, des petites connaissances comme ça que j'ai avec les années, là. Pour qu'une machine fonctionne, il faut l'ouvrir. Comme toi, si tu veux te lever, il faut que tu te réveilles. Je ne suis pas fauché après vous, mademoiselle. Vous êtes très, très agréable. Vous semblez être intelligente. Vous semblez. Non. Déjà, là, sembler, c'est un pied vers l'avant. Et je risque d'avoir le vôtre par derrière, ouais. Ben oui, mais ils sont tous... Vous êtes agressif. Ah, vous êtes ascendant cancer. Ben là, vous auriez dû me le dire. J'aurais jamais parlé. Moi, je suis trouble-fête. Ascendant emmerdeur. Crois pas ça, l'astrologie. Faut être minable. Vous êtes rendu à la mini. Ah non, pas. Non, je dis pas que t'as. Non, madame. Non, j'ai des. Non. Hey, attendez, moi, je vais vous dire ce qui se passe dans ma vie. Moi, j'ai des. Comment t'appelles ça? Donc, oui. Exactement. J'ai des dons. J'ai des dons de clairvoyance. Et je peux vous dire que si vous mettez votre machine là ouvert, ça va fonctionner. Je vois. Moi, l'astrologie, je connais ça par cœur. C'est presque moi qui l'ai inventé. Je trouve pas ça minable. C'est pas ça que j'ai voulu dire, madame, au début, là. Mais vous m'avez coupé. Vous êtes toujours en train de couper. Ça, c'est votre ascendant astrologique qui fait ça. Vous pouvez le modifier, ça, votre ascendant astrologique. Moi, je peux vous faire ça. Je suis un cartomancien en chien. Moyennant 250$, mais je peux tout te changer. T'es quoi, toi? T'es ascendant grenouille? Ça va, tu sautes pas haut, mais écoute, moi, c'est parce que ça n'existe pas, ascendant grenouille, man. Je voulais pas te tromper. Ouais. Vraiment, je te fais ça gratos. Tu me prépares un cornet, je te paye le cornet, tu viens me rencontrer, puis je vais tout t'arranger, tes ascendants, tes descendants, puis tu vas être une fille heureuse, tu vas réussir dans la vie. Tu seras peut-être une premier ministre. Avec des casseroles, comme vous voulez. Moi, j'ai rien contre les casseroles. Ben oui. Ben voyons donc. Puis si je peux donner un petit conseil. Tu sais, Saturne, on sait qu'il est à côté de... Bon. Ça donne de l'énergie positive. OK? Et si vous voulez aller loin, mademoiselle, je vous dis simplement de regarder ce qui s'est passé en 1990. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Début de ce siècle, nous avons vu l'apparition du moteur format explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Les missiles patriotes.

travers tout. Formes différentes. Donc parfois ça va, il va y avoir un truc de une lame de fond peut-être un peu similaire, sauf que c'est un moment T. Et ça va peut-être être une rythmique très très différente, ça va peut-être être mis avec des mots qui n'ont rien à voir, une forme d'écriture qui est différente, etc. Mais ça n'empêche, oui, que voilà, on peut parler de tout en chanson. Et Donc il y a plein de sujets à aborder dans ce carré. Et qu'est-ce que tu veux raconter, toi, dans tes chansons? Qu'est-ce que je veux raconter? C'est difficile, ça, comme question. Je veux raconter ces flashs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, l'essence des choses est complètement impalpable, mais tous les êtres humains ont cet étrange phénomène qui leur arrive parfois, d'avoir des espèces de... Des visions. Ouais, des flashs, une intuition, en fait. C'est l'intuition, quoi. Une intuition, ouais, une vision, un flash. Et en fait, et souvent, moi, quand j'ai ça, je me fais... Ça me fait du bien, quoi. Ça me soulage, en fait, profondément. Et c'est cette espèce de bouffée... De bouffées très profondes que j'ai envie de transmettre. As-tu demandé à tes musiciens ou à d'autres, est-ce que vous vivez la même chose que moi? Avez-vous ces places-là? Est-ce que je suis la seule à être... Suis-je non pas possédée, mais suis-je une fille qui vibre? Ouais, j'ai jamais posé la question comme ça. Donc je n'ai pas de réponse des autres, ouais. Et puis moi-même, ce qui est sûr, c'est que j'éprouve le besoin, quand je ressens ça, voilà, d'en faire quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant, parce que peut-être que moi-même... Ça pourrait être une transe qui vient tout simplement de toi. Non, je pense que ça, je pense que vraiment il y a un truc qui nous appartient pas là et puis qui vient nous rendre visite régulièrement. Et une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y en a qui sont à l'écoute de ça, il y en a d'autres qui sont pas à l'écoute. Voilà. De ça. Ça oui, ça clairement. C'est peut-être plus facile de... Ouais, je pense, ça ouais. je suis assez d'accord, ouais. Et dans l'écriture, est-ce que tu sens une sorte de folie entre guillemets lorsque tu commences à écrire, une sorte de tu te sens possédé par... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, il y a trois semaines, je devais écrire. Alors, c'est pas une chanson, mais ça prenait la forme d'un poème, quoi. Ça prenait la forme d'un texte qui pouvait être scandé ou slamé. Et c'était dingue. J'étais dans un état de surexcitation. C'était intenable. Tu prends le magnéto ou si tu prends un crayon quand tu as un flux de mots comme ça, t'as-tu plutôt le goût de le dire dans un magnéto pour pas rien perdre? Parce qu'en écrivant, souvent on oublie, tu sais, je veux dire, on oublie les autres mots qui... Ça dépend, la plupart du temps quand même je vais écrire. Et puis si c'est super galère, je prends le dictaphone. Mais sinon, okay, je vais écrire. Moi, c'est plus facile. Sinon, je vais écrire. Ouais. Et après ça, tu arrêtes et tu écris ou tu essayes de voir qu'est-ce qu'il y a à sortir de ça? Alors, s'il y a un truc pareil qui est hyper évident à un moment donné, il faut écrire, il faut pas lâcher parce que c'est un moment qu'il faut prendre. Est-ce que ça t'arrive souvent de rêver à des flashs comme ça et à te réveiller pour prendre des notes? Ça m'est arrivé, oui. Souvent, c'est le début du sommeil. Oui. Avant de partir. Ouais. Et parfois, c'est ça, et parfois, en fait, on fait pas. Allez, retourne-toi. Moi, c'est ça, c'est percé, parce que déjà là, se réveiller pour prendre des notes, c'est dur de s'endormir par la suite. Hein, et puis, est-ce que la scène. As-tu plus de plaisir à faire de la scène ou à faire du studio? Ah ouais. Non, j'ai beaucoup de plaisir à faire de la scène. Plus genre... que le studio? C'est plus académique le studio? Non, le studio, j'ai l'impression que c'est justement de l'orfèvrerie et être hyper le plus comment dire, sobre et honnête possible pour pas en faire trop des tonnes. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et sur scène, c'est... Non, mais la scène, ce sont des moments. Ouais, puis ça ramène à ce moment-là précis qui est en train de se dérouler. Et en fait, on apprend à le faire. Tout le monde essaye de le faire dans la vie, d'être dans le moment. Et sur scène, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. Es-tu une traqueuse ? Je suis passée par plein d'états. Je suis une experte en. Okay, ah oui ? Ouais. Alors, aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de bouteilles, donc je peux être prise de trac, etc. Mais je connais le phénomène, c'est-à-dire que le trac est devenu une personne à côté. Alors, les sensations que tu vois. Voilà, donc je suis plus prise de panique comme j'ai pu être prise ou possédée par ça, etc. Non, maintenant, c'est quelque chose que je peux observer pendant que ça arrive. Et c'est un trac qui te propulse. J'ai tout connu. J'ai tout connu, mais maintenant, je dirais particulièrement avec mes chansons, c'est marrant parce que dans mes expériences dans le classique, j'ai tout connu. Mais avec mes chansons, j'ai toujours été sans hésitation quelque chose qui me poussait. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es fière de ce que tu es. Parce que je suis moi, en fait. Parce que j'ai l'impression de ne pas être dans une performance. Une performance purement presque athlétique, quoi, parce que dans le classique on est quand même sur une. Et là dans les chansons, j'ai juste à être connectée, à évidemment être bien présente, mais donc c'est ça qui me donnerait à la limite le track, c'est le fait d'avoir toutes ces chansons qui sont le fruit d'heures passées devant une page, un ordinateur, etc. Et puis des données me dire waouh. C'est ça te surprend. C'est bizarre. Parfois, parce que c'est. Es-tu du genre à préparer des titres dû au fait que tu dois en disquer et qu'il te manque deux chansons? Ou si tout est préparé, tu as des tiroirs, tu vas aller puiser un texte, tu vas le retravailler pour sortir les deux chansons qui te manquent? lorsque tu prépares un album? Ouais. J'aime pas l'idée de deux chansons d'enfance qu'il faut faire. C'est-à-dire que je me dis, soit c'est là, soit c'est pas là. Et si, et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu plus de chansons que ce qu'il fallait. Mais si ce sont deux chansons manquantes, donc j'ai pas connu ce cas de figure, et si ce sont deux chansons manquantes, en tout cas, pas de compromis, quoi. Ça veut dire que soit elles sont là, elles sont vraies, et elles viennent, ou elles sont, voilà, il y a un texte, et il faut l'aboutir, etc. Soit il n'y a pas de chansons manquantes, il y a tout simplement le nombre de chansons qu'il y a. Mais là, au contraire, comme tu viens de dire, est-ce que c'est difficile d'enlever des chansons? D'enlever des chansons? Oui. Parfois, ça tombe sous le sens. Parfois, il y a une chanson, moi je la sens pas mûre, quoi. Je me dis, bon, ok, elle est pas mûre, on va forcer ça, quoi. Mais comme tout chanteur, toute chanteuse, la complexité s'est déplacée sur ce disque-là, dans l'ordre qui nous semble cohérent. Comment tu fonctionnes pour placer tes chansons? Ouais. Ben, je pense que les chansons. Alors, ça, c'est. C'est-à-dire que dans mes chansons, j'ai l'impression qu'il y a quand même des contrastes assumés. Il y a par exemple des chanteurs, je sais pas, par exemple, je pense à Mélanie de Biasio, que j'adore. Et on est sur des contrastes, mais sur une grande arche de couleurs et d'énergie comme ça. Qui, voilà. Et j'ai l'impression, je sais pas si ça vient du théâtre que j'ai beaucoup pratiqué ou. Moi j'aime bien réveiller quoi. Okay. J'aime bien casser le truc, surprendre. Peut-être que j'y arrive, peut-être que j'y arrive pas, je sais pas, mais en tout cas, donc dans l'ordre de mes chansons, je veux justement un truc qui soit pas. J'ai tendance à. À faire en sorte que ce soit comme un. Je sais pas quoi, j'ai pas une toile, je sais pas, je pense à Klimt ou Klee, avec des couleurs comme ça très nettes qui se succèdent et quelque chose d'assez marqué, assez. Voilà. Donc, ça coule de source lorsque tu as tes titres, tu les vois presque dans ta tête, comment tu vas les placer. Ouais, pour que l'énergie soit parfois un peu perturbée, ouais, quoi. Éternelle prouesse. étoile, l'immuable, éternelle prouesse. Ah, ah, quand reviendra l'été, ah, ah, dans l'écho du printemps, ah, ah, quand reviendra l'été, ah, ah, dans l'écho du printemps, ah, ah, À venir? Non, dans l'ensemble. Dans l'ensemble? Plutôt dans une salle fermée. Ah oui, ok. Ouais. Parce que les gens sont plus... C'est marrant. Ah, est-ce que je préfère? C'est ça, est-ce oui, que je préfère? Oui. Ah, ça, je m'en fous. Ok. Ouais, franchement... chaque concert va créer une atmosphère spéciale. J'imagine que l'ordre des morceaux serait pas le même. Ah non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui préfèrent le plein air, puisque ça... Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ça crie. Mais ça va dépendre du lieu, quoi, parce qu'il y a des lieux magiques en intérieur. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi en extérieur. Est-ce que tu travailles avec une équipe d'éclairagistes, tout ça, ou si c'est des gens qui sont là sur place? Jusqu'à maintenant, j'ai pas travaillé avec un éclairagiste, j'aimerais beaucoup. Okay. Mais j'ai pas encore fait. Et j'ai un ingénieur du son qui nous suit, qui me suit sur. Qui fait aussi les disques. C'est pas le même. Ok. Ah. Ouais. C'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré pour le live et avec lequel je travaille non-stop pour le live. Tu fais combien de concerts par année? Comme le projet est assez neuf, je dirais j'en étais à une dizaine de concerts dans l'année. Mais voilà quoi, enfin, des petites choses hein, parfois, des petits... Est-ce qu'il y a des chansons que tu veux jamais te séparer, que tu reprends avec plaisir, du matériel? Alors, réfléchissons. Il y a des chansons, disons, qui petit à petit sont une espèce de point de référence, donc je trouve ça amusant en plus de les voir évoluer en fait et puis de les chanter puis de voir que ouais. Une fois à l'autre je les ressens pas de la même manière et je raconte pas tout à fait la même chose avec. L'interprétation c'est ça, hein? c'est beau à chaque fois, ça dépend de ta journée, ça dépend de ce que tu as vécu. Donc on peut aller voir 3 concerts puis ça sera pas le même. Oh, ben, j'espère. Ouais. Non. Ouais. Quand c'est pas préfabriqué, c'est pas les Rolling Stones quand même. Non. Hein, donc c'est l'émotion qui parle. Ouais, complètement. Donc, il y a des chansons là, que tu cajoles, des anciennes chansons que tu cajoles encore et que tu proposes au public sans trop de gêne, puisqu'il y a eu une évolution, mais malgré tout. Il y en a que je montre un peu moins ces derniers temps. Mais, par exemple, bah, Les Chevaux Sauvages, et pourtant ça fait un moment que je ne l'ai pas chanté en plus. Mais c'est une chanson qui veut rendre zen, quoi. Donc, pourquoi pas? Ah oui, ça peut aider. Oui, c'est ça. Hein? Et toi, dans ton travail, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais? Est-ce que tu prends un plaisir? C'est l'aventure. Dans toutes les petites choses. Ah, l'aventure. L'aventure. Ouais. C'est le. Il y a un bouquin. Il y a un bouquin qui s'intitule Femme qui court avec les loups. Ok. D'une dame qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes, que beaucoup de femmes, je pense, ont lu. Qui s'adresse vraiment aux femmes, qui est très intéressant aussi pour les hommes. C'est l'impression de courir nu, de courir pieds nus en fait, de courir pieds nus sur un chemin, de ne pas avoir de semelles sous mon pied qui me protège, mais qui aussi m'empêche de toucher le sol. Je fais un gros lapsus, c'est trop marrant. C'est bien. C'est l'été, j'ai chaud. Oui, c'est bien. Est-ce que tu chantes pieds nus? Au début, j'ai chanté pieds nus. Mais là, tu le fais plus. Et là, je le fais plus. Pourquoi? C'est aussi une question d'esthétique aussi des chansons. Ça va en harmonie avec l'aspect assez sophistiqué aussi de certaines chansons. Donc j'ai pris le parti de mettre des chaussures. Et puis en hiver, être pieds nus, c'est pas toujours facile. Bah, Björk, c'est toi les pieds. Björk ? Björk, ouais. Deux dans les pieds. Il y a Tori et moi aussi. Ouais. Il y en a comme ça. Il y a une joue du piano en plus, hein, donc ça peut être facile. J'ai une petite question. Ouais. On va voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Un Belvoir Elderflower. Ah oui, t'as vu ça? Une limonade. Ah bah oui. Ah, parce que je de fleur que... de sirop. De sureau. Ouais, c'est. Les... Je trouve que c'est pas un peu. Bah là, juste aujourd'hui, c'est parfait. Parce que la petite bulle. Ouais. Tu vois, il manque un peu de, d'essence. Ouais, avec un petit citron. Ok, mais toi, tu trouves ça super apaisant, super. Là, juste maintenant, si j'étais un liquide. En tout cas, un truc pétillant. Ok. Un petit truc qui fait des bulles. Pourquoi? Parce que tu es une fille qui pétille. Je crois, je le suis. Et puis, ouais, je crois que je le suis. Quand tu chantes, est-ce que tu regardes le public histoire de voir s'il n'y a pas des rictus, s'il n'y a pas. Non. Bah non, parce que je peux pas interpréter ce que font les gens. Il faut pas. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a un rictus, c'est peut-être tout simplement que quelqu'un à côté lui a fait une blague, que ça lui rappelle un souvenir. Enfin, c'est. C'est trop compliqué de lire ça. Alors évidemment, on peut tomber sur des regards ou sur des grimaces ou des trucs, mais... Et ça peut avoir un impact. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on en sait, quoi, de la mais raison qu'est-ce que tu pour laquelle... regardes lorsque tu chantes? Bah, je regarde le public, mais en général, je vois... Ouais, je vois le visage. Je m'attarde pas, en tout cas, sur les... J'attends pas une expression du visage qui va venir nourrir mon interprétation, quoi. Et puis je vois que je ferme aussi les yeux. Okay. Ça m'arrive. Bah, pas que, hein, mais oui, ça arrive. Oui. Et tu trouves ça moins esthétique? De quoi? De fermer les yeux. Non, mais je trouve que c'est important de ne pas les fermer tout le temps. Sinon, on se coupe complètement des autres, mais j'y... régulièrement, je ferme les yeux. Pour te centrer. Ouais, voilà. Ou comme... Comme le spectacle que j'ai vu, elle a toujours des lunettes fumées. Toi, les verres fumés, peut-être pas, ça fait trop obstacle. Alors, elle a des verres fumés parce qu'elle est obligée d'avoir des verres fumés, mais Ah oui? Mm-hmm. Pourquoi? Parce que, avec son accident, elle a des problèmes avec la lumière. Oh, elle est hyper sensible à la lumière et donc elle porte tout le temps des lunettes de soleil parce que c'est. Je croyais que c'était juste un. Non. Ouais, moi, jusqu'à ce que je dise ça, je pensais que c'était un look. Et c'est vraiment lié à son problème, aux différentes séquelles de son accident de vélo. Et, okay. Voilà, alors après, ils en ont peut-être fait une signature aussi, mais à l'origine, elle est obligée de porter des lunettes noires par un temps, comme celui-là par exemple. Ah, bon. Puis surtout la lumière de la scène. Ouais, c'est ça. Si tu étais une ville. Alors récemment, j'ai répondu Londres. Londres, oh, oui, on t'a demandé. Ouais. Hein, qui? Un coach. Ok. Ouais. Et donc j'ai dit Londres. Ah, t'as des coachs? J'ai récemment fait une formation et j'ai rencontré des coachs. Ah, quoi? Ah, t'es là? Bah, non. Oui, en musique, quoi. Ouais. Et ils te posaient des questions? Bah, ouais, ils nous. Ouais. Et donc j'ai dit Londres. J'aimerais prier en moi. soleil au mois d'été. Les pieds nus palpant l'herbe odorante, les jeux d'eau et de sable au ciel de midi. J'aimerais prier en moi. J'aimerais prier en moi pour l'enfant de nature qui peine à se connaître. J'aimerais prier en moi pour l'enfant de nature condamné à devenir adulte trop tôt. J'aimerais prier en moi. En lui vit que cet enfant-là ne meurt jamais, qu'il pourra toujours un jour le rencontrer, que l'enfant est sauvage, il sait ce qu'il lui faut. CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagnon. La vallée des possibles. tes songes. Laisse les chevaux sauvages s'abreuver sur la plage, alors que le soleil baigne une dernière fois tes pieds humides. Écoute la fleur qui se déploie à l'ombre de ta paresse. Puis là, c'est ça encore Londres? Oui, oui, parce que Londres, en fait, c'est hyper actif, donc ça, oui. Ça correspond assez bien. Oui. Et c'est une ville qui m'a forgée aussi. New York aussi, c'est... Ouais. Mais je dis Londres. Londres, ok. Ouais. Et c'est plus près d'ici aussi. Puis j'y ai passé 4 ans, alors. Ah, voilà. Donc une histoire d'amour. Ouais, une histoire d'amour costaude. Ok, au pluriel. Ouais, d'aventure aussi. Ah, oui. Ah, mais c'est... Si tu étais une langue. Mais là, tout de suite, je pense à la chanson d'Yves Duteil. C'est une langue belle, la langue de mes super. Donc, si j'étais une langue, je serais la langue de ce pays. Ah oui. Je sais pas, là, tout de suite comme ça, je me dis, mais oui, bien sûr. Si tu étais une époque. J'aimerais être multiple. Déjà, je dirais aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que je suis et que c'est bien d'être aujourd'hui. Et puis, il y a une époque musicale qui m'a beaucoup habité, c'est l'époque du début du 20e, Ravel, Debussy justement, tout l'impressionnisme, voilà. Si tu étais un mot. Énigme. Non, énigme, ce que l'on est tous un peu. Hein. Si tu étais un aliment. Là, aujourd'hui, avec ce temps, je dis une huile d'olive, verte d'Italie. Sur des bonnes tomates. Sur des bonnes tomates cerises. Oui. Est-ce que tu souffres de chaleur, de la chaleur? Est-ce que je souffre? Faut faire avec. Ouais. Donc, en fait, je souffre la chaleur en ville. Ok. Voilà, parce que c'est vrai qu'on respire. Plus, on dirait qu'il y a plus d'oxygène. Ouais. Si tu étais donc si tu es un enfant, c'est une saison. Saison? Le printemps, parce que ça chaque fois. En tout cas, c'est chargé d'espoir. On a passé l'hiver, déjà là on est encore vivant. Donc le printemps, c'est la... Je crois que c'est le printemps, ouais. En tout cas, la sortie de l'hiver. Oui, ouais. La dure hiver. Ouais. La transition de l'hiver vers le printemps, quoi. Oui. Ouais. Si tu étais un membre corporel... L'oreille. Il y a une émission à CKRL qui s'appelle « Mon oreille a soif ». C'est parfait. Si tu étais un moment de la journée... Crépuscule. Il y a une de mes prochaines chansons qui s'appelle Rouge Crépuscule. Oh. Voilà. Il y a une chanteuse québécoise qui s'appelle Catherine Major qui a écrit Rose Sang. C'est le nom de son album. Très bonne chanteuse. Ça, j'irai écouter. Qui n'est pas commercialisée. C'est pas la Céline Dion, c'est pas la. Ouais. Mais on peut peut-être entendre. Donc, si tu étais un moment de la journée. Crépuscule? Ah oui, Crépuscule, excuse-moi. Oui. Si tu étais un autre individu, est-ce que ça t'inspire le Crépuscule? Est-ce que t'es en pleine écriture lorsque... C'est-à-dire que c'est un moment d'entre-deux, quoi. C'est un moment justement où l'énigme est là, c'est un moment où même au niveau des humeurs, on ne sait pas, c'est le moment où les bébés s'affolent, c'est un moment comme ça qui nous appartient, un peu impalpable. Après, ce que j'ai écrit au... Pardon? Qu'on ne maîtrise pas. Ouais, c'est ça, de transition, quoi. Si tu étais un autre individu. Un homme pour voir? Mais un caucasien, un africain. Ça, c'est la nature qui choisira pour moi. Ah, ouais, ah ben là, ok, la nature. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oh, attends un peu, tu dis un homme, est-ce que tu essaierais de te courtiser en tant que. Alors, ça, il faudrait d'abord que je sois l'homme pour savoir, j'ai aucune idée de mes goûts en tant qu'homme, je sais pas moi. Ok. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? C'est pas mal, hein? Mais comment tu fais pour te courtiser? Je sais pas moi, j'ai jamais essayé. Okay. Mais c'est intéressant comme thématique. Oui. Je m'interroge. Pour me courtiser, quoi. Ah, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour me courtiser? En anglais, j'aurais envie de dire « don't talk rubbish », quoi. Voilà, raconte pas de conneries. Non, mais pas besoin d'en faire des milliers de cents et... Si je sens que la personne justement est très connectée à elle-même, ben ça me séduit beaucoup quoi. Ok. D'authenticité surtout. Pardon? D'authenticité. Ouais, de l'authenticité, ouais. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Il n'y a pas le choix. Donc je pense que c'est le chemin. Ouais. C'est ton chemin. Ouais, c'est mon chemin. Et comment tes parents ont pris ça lorsque tu leur as dit « je fais de la chanson, je me lance dans le milieu artistique » entre guillemets? Ben, je crois que quelque part, je leur ai pas beaucoup laissé le choix en fait. Est-ce qu'ils le savaient sans que tu leur dises? Je pense qu'ils le sentaient, ouais. Je pense qu'ils le sentaient. Est-ce que c'est tes premiers fans? C'est ceux qui veulent entendre tes premières chansons avant qu'ils soient lancés? Oui, bah ouais, bah, évidemment, ils sont curieux, ils ont envie de... Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu travailles avec des tourneurs pour te produire? Pas encore, mais je vais y travailler. Aimes-tu faire des festivals, des choses comme ça? Ou si tu revisites à chaque fois les mêmes salles, les mêmes... Pour l'instant, j'ai découvert des nouvelles salles, j'ai revisité certaines salles que j'avais, dans lesquelles j'avais déjà chanté. Mais une fois de plus, l'aventure, c'est l'aventure. Donc, As-tu un boulot alimentaire ou si tu vis uniquement de ça? Je vis uniquement de ça. Okay. Ouais. Okay. Est-ce que c'est difficile? Il y a des moments. Oui, c'est difficile, ouais, bien sûr. Et éventuellement, as-tu dans ton tiroir un billet pour venir au Québec, histoire de vérifier ce que tu fais? Ben, en tout cas, je serais très curieuse de savoir quel écho mes chansons font auprès des Québécois, bien sûr. Ouais. Je te le dirai lorsque l'émission sera diffusée. Avec grand plaisir. Et lorsque les gens m'appelleront en nombre pour me donner leur ça sera avec grand plaisir. Ouais. Et puis, merci d'être passé à mon émission. Avec grand plaisir, merci pour cette conversation sympathique. Un mot que j'aime bien dire en terminant, à la revoyure. À la revoyure, bien sûr. Et quand sais-je moi-même?